Livre dixième, chapitre 3. Vive la joie. Le lecteur n'a peut-être pas oublié qu'une partie de la cour des miracles était enclose par l'ancien mur d'enceinte de la ville, dont bon nombre de tours commençaient dès cette époque à tomber en ruine. L'une de ces tours avait été convertie en lieu de plaisir par les truands. Il y avait cabaret dans la salle basse et le reste dans les étages supérieurs. Cette tour était le point le plus vivant et par conséquent le plus hideux de la truanderie. C'était une sorte de ruche monstrueuse qui y bourdonnait nuit et jour. La nuit, quand tout le surplus de la gueuserie dormait, quand il n'y avait plus une fenêtre allumée sur les façades terreuses de la place, quand on n'entendait plus sortir un cri de ces innombrables maisonnées, de ces fourmilières de voleurs, de filles et d'enfants volés ou bâtards, on reconnaissait toujours la joyeuse tour au bruit qu'elle faisait, à la lumière écarlate qui rayonnait à la fois aux soupiraux, aux fenêtres, aux fissures des murs lézardés, s'échappait pour ainsi dire de tous ses pores. La cave était donc le cabaret. On y descendait par une porte basse et par un escalier aussi roide qu'un alexandrin classique. Sur la porte, il y avait en guise d'enseigne un merveilleux barbouillage représentant des sols neufs et des poulets tués, avec ce calembour au-dessus, au sonneur pour les trépassés. Un soir, au moment où le couvre-feu sonnait à tous les beffrois de Paris, les sergents du guet, s'il leur eût été donné d'entrer dans la redoutable cour des miracles, auraient pu remarquer qu'il se faisait dans la taverne des truands plus de tumulte encore qu'à l'ordinaire, qu'on y buvait plus et qu'on y jurait mieux. Au dehors, il y avait dans la place force groupes qui s'entretenaient à voix basse, comme lorsqu'il se trame un grand dessein, et, çà et là, un drôle accroupi, qui aiguisait une méchante lame de fer sur le pavé. Cependant, dans la taverne même, le vin et le jeu étaient une si puissante diversion aux idées qui occupaient ce soir-là la truanderie qu'il eût été difficile de deviner, au propos des buveurs, de quoi il s'agissait. Seulement, ils avaient l'air plus gais que de coutume, et on leur voyait à tous reluire quelque arme entre les jambes. Une serpe, une cognée, un gros estramaçon, ou le croc d'une vieille aquebute. La salle, de forme ronde, était très vaste, mais les tables étaient si pressées et les buveurs si nombreux que tout ce que contenait la taverne, hommes, femmes, bancs, cruches à bière, ceux qui buvaient, ceux qui dormaient, ceux qui jouaient, les bien portants, les éclopés, semblait entassé pêle-mêle avec autant d'ordre et d'harmonie qu'un tas d'écailles d'huîtres. Il y avait quelques suifs allumés sur les tables, mais le véritable luminaire de la taverne, ce qui remplissait dans le cabaret le rôle du lustre dans une salle d'opéra, c'était le feu. Cette cave était si humide qu'on n'y laissait jamais éteindre la cheminée, même en plein été. Une cheminée immense à manteau sculpté, tout hérissé de lourds chenets de fer et d'appareils de cuisine, avec un de ces gros feux mêlés de bois et de tourbe qui, la nuit dans les rues de village, font saillir si rouge sur les murs d'en face le spectre des fenêtres de forge. Quelle que fût la confusion, après le premier coup d'œil, on pouvait distinguer dans cette multitude trois groupes principaux qui se pressaient autour des trois personnages que le lecteur connaît déjà. L'un de ces personnages bizarrement accoutrés, de main au ripeau oriental, était Mathias Ungadis Picali, duc d'Égypte et de Bohême. Le maraud était assis sur une table, les jambes croisées, le doigt en l'air, et faisait d'une voix haute distribution de sa science en magie blanche et noire à maintes faces béantes qui l'entouraient. Une autre cohue s'épaississait autour de notre ancien ami, le vaillant roi de Thunes, armé jusqu'aux dents. Clopin Trouillefou, d'un air très sérieux et à voix basse, réglait le pillage d'une énorme futaille pleine d'armes, largement défoncée devant lui, d'où se dégorgeaient, en foule, haches, épées, bassinets, cottes de mailles, platers, fer de lance et d'archegaille, sagettes et viretons, comme pommes et raisins, d'une corne d'abondance. Chacun prenait au tas, qui le morion, qui l'estoc, qui la miséricorde à poignée en croix. Les enfants eux-mêmes s'armaient, et il y avait jusqu'à des culs de jatte qui, bardés et cuirassés, passaient entre les jambes des buveurs comme de gros scarabées. Enfin, un troisième auditoire, le plus bruyant, le plus jovial et le plus nombreux, encombrait les bancs et les tables au milieu desquels pérorait et jurait une voix en flûte qui s'échappait de dessous une pesante armure complète du casque aux éperons. L'individu qui s'était vissé, une panoplie sur le corps, disparaissait tellement sous l'habit de guerre qu'on ne voyait plus de sa personne qu'un nez effronté, rouge, retroussé, une boucle de cheveux blonds, une bouche rose et des yeux hardis. Il avait la ceinture pleine de dagues et de poignards, une grande épée au flanc, une arbalète rouillée à sa gauche et un vaste broc de vin devant lui, sans compter à sa droite une épaisse fille débraillée. Toutes les bouches alentour de lui riaient, sacrées et buvaient. Qu'on ajoute 20 groupes secondaires, les filles et les garçons de service, courant avec des brocs en tête, les joueurs accroupis sur les billes, sur les merelles, sur les dés, sur les vachettes, sur le jeu passionné du tringlé, les querelles dans un coin, les baisers dans l'autre, et l'on aura quelque idée de cet ensemble, sur lequel vacillait la clarté d'un grand feu flambant qui faisait danser sur les murs du cabaret 1000 ombres démesurées et grotesques. Quant au bruit, c'était l'intérieur d'une cloche en grande volée. La lèche frite, où pétillait une pluie de graisse, emplissait de son glapissement continu les intervalles de ces 1000 dialogues qui se croisaient d'un bout à l'autre de la salle. Il y avait parmi ce vacarme, au fond de la taverne, sur le banc intérieur de la cheminée, un philosophe qui méditait, les pieds dans la cendre et l'œil sur les tisons. C'était Pierre Gringoire. « Allons, vite, dépêchons, armez-vous, on se met en marche dans 1 heure !» disait Clopin Trouillefou à ses argotiers. Une fille fredonnait « Bonsoir, mon père et ma mère, les derniers couvrent le feu. » 2 joueurs de cartes se disputaient. « Valet !» criait le plus empourpré des deux, en montrant le poing à l'autre. « Je vais te marquer au trèfle. Tu pourras remplacer Mistigris dans le jeu de cartes de Monseigneur le Roi. » « Ouf !» hurlait un Normand, reconnaissable à son accent nasillard. « On est ici tassés comme les saints de Caillouville !»« Fils !» disait à son auditoire le duc d'Égypte parlant en fossé. « Les sorcières de France vont au sabbat s'emballer, ni graisse ni monture, seulement avec quelques paroles magiques. Les sorcières d'Italie ont toujours un bouc qui les attend à leur porte. Toutes sont tenues de sortir par la cheminée. » La voix du jeune drôle armé de pied en cap dominait le brouhaha. « Noël, Noël !» criait-il. « Mes premières armes aujourd'hui, truand, je suis truand, ventre de Christ. Versez-moi à boire. Mes amis, je m'appelle Jean Frollo du Moulin et je suis gentilhomme. Je suis d'avis que si Dieu était gendarme, il se ferait pillard. Frère, nous allons faire une belle expédition. Nous sommes des vaillants. Assiéger l'église, enfoncer les portes, en tirer la belle fille, la sauver des juges, la sauver des prêtres, démanteler le cloître, brûler l'évêque dans l'évêché. Nous ferons cela en moins de temps qu'il n'en faut à un bourgmestre pour manger une cuillerée de soupe. Notre cause est juste, nous pillerons Notre-Dame et tout sera dit. Nous pendrons Quasimodo. Connaissez-vous Quasimodo, mesdemoiselles ? L'avez-vous vu s'essouffler sur le bourdon un jour de grande Pentecôte, corne du père, c'est très beau, on dirait un diable à cheval sur une gueule. Mes amis, écoutez-moi, je suis truand, je suis argotier dans l'âme, je suis né cagou. J'ai été très riche et j'ai mangé mon bien. Ma mère voulait me faire officier, mon père sous-diacre, ma tante conseiller aux enquêtes, ma grand-mère protonotaire du roi, ma grand-tante trésorier de robe courte. Moi, je me suis fait truand. J'ai dit cela à mon père qui m'a craché sa malédiction au visage, à ma mère qui s'est mise, la vieille dame, à pleurer, à baver comme cette bûche sur ce chenet. Vive la joie, je suis un vrai Bicêtre. Tavernière m'a mis d'autres vins. J'ai encore de quoi payer. Je ne veux plus de vin de Suresnes. Il me chagrine le gosier. J'aimerais autant Corbeuf me gargariser d'un panier. » Cependant, la cohue applaudissait avec des éclats de rire. Et voyant que le tumulte redoublait autour de lui, l'écolier s'écria « Oh, le beau fruit ! Populi de Bacchantis !» Populosa de Bacchio. » Alors il se mit à chanter, l'œil comme noyé dans l'extase, du ton d'un chanoine qui entonne vêpres. Quae cantica, quae organa, quae cantilene, quae melodia qui s'infine de cantur, sonant meliflua, hymnorum organa, suavissima angelorum, melodia cantica, canticorum mira. Il s'interrompit. Buvetière du diable, donne-moi à souper! Il y eut un moment de quasi-silence pendant lequel s'éleva à son tour la voix aigre du duc d'Égypte, enseignant ses bohémiens. La belette s'appelle Adouine, le renard pied bleu ou le coureur des bois, le loup pied gris ou pied doré, l'ours le vieux ou le grand-père. Le bonnet d'un gnome rend invisible et fait voir des choses invisibles. Tout crapaud qu'on baptise doit être vêtu de velours rouge ou noir. Une sonnette au cou, une sonnette au pied. Le parrain tient la tête, la marraine le derrière. C'est le démon Sidragazoum qui a le pouvoir de faire danser les filles toutes nues. « Par la messe !» interrompit Jehan. « Je voudrais être le démon Sidragazoum !» Cependant, les truands continuaient de s'armer en chuchotant à l'autre bout du cabaret. « Cette pauvre Esmeralda !» disait un bohémien. « C'est notre sœur, il faut la tirer de là » « Est-elle donc toujours à Notre-Dame ?» reprenait un marcandier à mine de juif. « Oui, pardieu !»« Eh bien, camarade !» s'écria le marcandier. « À Notre-Dame ! D'autant mieux qu'il y a la chapelle des saints Féréol et Férution, deux statues, l'une de saint Jean-Baptiste, l'autre de saint Antoine, toutes d'or, pesant ensemble 17 marks d'or et 15 estelins, et les sous-pieds d'argent doré, 17 marks 5 onces. Je sais cela, je suis orfèvre. » Ici, on servit à Jehan son souper. Il s'écria en s'étalant sur la gorge de la fille sa voisine, « Par saint vous de Luc, que le peuple appelle saint Goguelu, je suis parfaitement heureux. J'ai là devant moi un imbécile qui me regarde avec la mine glabre d'un archiduc. En voici un à ma gauche qui a des dents si longues qu'elles lui cachent le menton. Et puis je suis comme le maréchal de Gier au siège de Pontoise. J'ai ma droite appuyée à un mamelon, ventre Mahon. Camarade, tu as l'air d'un marchand d'estuf et tu viens t'asseoir auprès de moi. Je suis noble, l'ami. La marchandise est incompatible avec la noblesse. Va-t'en de là. Oh, allez, vous autres, ne vous battez pas. « Comment, Baptiste Croquoison, toi qui as un si bonnet, tu vas le risquer contre les gros points de ce butor, imbécile. Non quicam datum, est aberenazum. Tu es vraiment divine, Jacqueline Ronge-Oreille. C'est dommage que tu n'aies pas de cheveux. Oh là, je m'appelle Jean Frollo, et mon frère est archidiacre. Que le diable l'emporte. Tout ce que je vous dis est la vérité. En me faisant truand, j'ai renoncé de gaieté de cœur à la moitié d'une maison située dans le paradis que mon frère m'avait promise. Dimidiam donum in paradiso. Je cite le texte. J'ai un fief rutirechappe, et toutes les femmes sont amoureuses de moi. Aussi vrai qu'il est vrai que Saint-Éloi était un excellent orfèvre, et que les 5 métiers de la bonne ville de Paris sont les tanneurs, les mégissiers, les baudroyeurs, les boursiers et les sueurs. Et que Saint-Laurent a été brûlé avec des coquilles d'œufs. Je vous jure, camarade, que je ne beuvrai de piment devant un an si je s'y mens. Ma charmante, il fait clair de lune, regarde donc là-bas par le soupirail comme le vent chiffonne les nuages. Ainsi je fais ta gorgerette. Les filles, mouchez les enfants et les chandelles, Christ et Mahon. Qu'est-ce que je mange là, Jupiter, ohé la matrule, les cheveux qu'on ne trouve pas sur la tête de Théribaude? On les retrouve dans tes omelettes. La vieille, j'aime les omelettes chauves. Que le diable te fasse Camuse, belle hôtellerie de Belzébuth, où les ribaudes se peignent avec les fourchettes. Cela dit, il brisa son assiette sur le pavé et se mit à chanter à tue-tête. Et je n'ai moi, par le son Dieu, ni foi ni loi, ni feu ni lieu, ni roi ni Dieu. Cependant, Clopin Trouillefou avait fini sa distribution d'armes. Il s'approcha de Gringoire qui paraissait plongé dans une profonde rêverie, les pieds sur un chenet. « L'ami Pierre, dit le roi de Thunes, à quoi diable penses-tu » Gringoire se retourna vers lui avec un sourire mélancolique. « J'aime le feu, mon cher Seigneur, non par la raison triviale que le feu réchauffe nos pieds ou cuit notre soupe, mais parce qu'il a des étincelles. Quelquefois je passe des heures à regarder les étincelles. Je découvre mille choses dans ces étoiles qui saupoudrent le fond noir de l'âtre. Ces étoiles-là aussi sont des mondes. « Tonnerre, si je comprends !» dit le truand. « Sais-tu quelle heure il est ?»« Je ne sais pas, » répondit Gringoire. Clopin s'approcha alors du duc d'Égypte. « Camarade Mathias, le quart d'heure n'est pas bon. On dit le roi Louis XIe à Paris. »« Raison de plus pour lui tirer notre sœur des griffes, » répondit le bohémien. « Tu parles en homme, Mathias, » dit le roi de Thunes. « D'ailleurs, nous ferons lestement. Pas de résistance à craindre dans l'église. Les chanoines sont des lièvres. » Et nous sommes en force. Les gens du Parlement seront bien attrapés demain quand ils viendront la chercher. Boyau du pape, je ne veux pas qu'on pende la jolie fille. » Clopin sortit du cabaret. Pendant ce temps-là, Jehan s'écriait d'une voix enrouée : « Je bois, je mange, je suis ivre, je suis Jupiter. Et Pierre l'Assommeur, si tu me regardes encore comme cela, je vais t'épousseter le nez avec des chiquenaudes. » De son côté, Gringoire, arraché de ses méditations, s'était mis à considérer la scène fougueuse et criarde qui l'environnait en murmurant entre ses dents « Luxuriosa, res vinum, et tumultuosa, ebrietas. Hélas, que j'ai bien raison de ne pas boire, et que saint Benoît dit excellemment « Vinum apostatare facit etiam sapientes. » En ce moment, Clopin rentra et cria d'une voix de tonnerre « Minuit !» À ce mot qui fit l'effet du bout de sel sur un régiment en halte, tous les truands, hommes, femmes, enfants, se précipitèrent en foule hors de la taverne avec un grand bruit d'armes et de ferrailles. La lune s'était voilée. La cour des miracles était tout à fait obscure. Il n'y avait pas une lumière. Elle était pourtant loin d'être déserte. On y distinguait une foule d'hommes et de femmes qui se parlaient bas. On les entendait bourdonner et l'on voyait reluire toutes sortes d'armes dans les ténèbres. Clopin monta sur une grosse pierre. « À vos rangs, l'argot » cria-t-il. « À vos rangs, l'Égypte ! À vos rangs, Galilée !» Un mouvement se fit dans l'ombre. L'immense multitude parut se former en colonne. Après quelques minutes, le roi de Thunes éleva encore la voix. « Maintenant, silence pour traverser Paris. Le mot de passe est « petite flambe en baguenaud ». On n'allumera les torches qu'à Notre-Dame. En marche !» Dix minutes après, les cavaliers du guet s'enfuyaient épouvantés devant une longue procession d'hommes noirs et silencieux qui descendait vers le pont au change, à travers les rues tortueuses qui percent en tous sens le massif quartier des Halles.